En cas de perte ou de vol des papiers du véhicule et du permis de conduire, je dois en faire la déclaration à la préfecture. Je remplis un formulaire de demande de duplicata. Ces services me fournissent alors des duplicata qui sont valables pour une durée différente. 2 mois pour le permis de conduire, 1 mois pour la carte grise. Il m'est interdit de circuler sans ces duplicata. Réponse B et D.